Radio, lu et rédigé par Sabine pour audiocité.net sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. On ne se souvient pas comment il s'appelle. Après tout, à quoi cela servirait-il? L'idiot, tout le monde le connaît au village. Inutile de le nommer autrement. Les anciens l'appellent l'orphelin, mais il n'y a plus beaucoup d'anciens. On ne sait pas non plus comment s'appelle la forêt qui longe le village. Il faudrait peut-être faire des recherches dans les archives de la mairie. Mais à quoi cela servirait-il? Plus personne n'est aussi aventuré dans la forêt. Alors on l'appelle la forêt, c'est comme ça. Plus personne, sauf l'idiot. La forêt est devenue sienne. Il a fait fi des vieilles histoires de loups, de sorcières, de grands seigneurs assassins. Surtout, il y est à l'abri des brimades quotidiennes, puisqu'il y est seul. Elle est belle, sa forêt. Elle regorge de baies ou de champignons, selon les saisons. Elle change de couleur, et on entend le vent dans les branches. Elle chante dès l'aurore. L'idiot aime les oiseaux. Il connaît leurs chants, les comprend. Parfois même, il siffle avec eux, comme le vent. Au début de l'hiver dernier, il a décidé d'explorer un sentier qu'il n'avait jamais remarqué. Sûrement un nouveau passage tracé par les sangliers. L'idiot n'a pas peur. Il n'a jamais peur. Les animaux sont ses amis. Mais après quelques pas, il découvre plusieurs coins d'herbe piétinés le long du chemin. Un grand frisson lui parcourt le dos. Comme on est en Normandie, que le calendrier annonce Noël, on a beau être idiot, on a beau mépriser les légendes, quand on découvre un coin d'herbe piétiné au cœur de la forêt désolée, on a peur. Alors l'idiot prit peur. Il comprend que ce ne sont pas les sangliers qui ont ouvert le chemin, mais les fées, car depuis la nuit des temps, ce sont les fées qui ouvrent les nouveaux chemins. Elles vont à leur foire annuelle. Il faut alors les craindre. Et chaque habitant de la région en connaît la cause. Sur le chemin, elles déposent leurs richesses. Votre œil est attiré, vous poursuivez cette route parsemée de trésors. Vous arrivez au bord de la falaise, où les fées vous jettent dans le vide. Alors l'idiot, qui n'est pas si idiot qu'on le pense, a fait demi-tour et s'est sauvé à toutes jambes, trébuchant sur les racines sortant du sol, se griffant aux ronces et aux branches. Parce que si les sorcières et les loups n'existent pas, les fées et elles sont redoutables. À bout de souffle, il s'est effondré au pied d'un arbre pour reprendre haleine. C'est là qu'il vit les pierres, des pierres géantes comme celles qu'on trouve à Carnac. Quelquefois, elles dansent en tournant sur elles-mêmes. Il y en a même qui descendent boire à la rivière. La rivière, qui n'est qu'un gros rue dont on a oublié le nom. On l'appelle la rivière sans se poser de questions. La rivière, pensa l'idiot, car il a soif. Il descend donc vers la rivière, remerciant la pierre pour l'idée. Il boit longuement, accroupi, puisant l'eau au creux de la main. L'eau est si fraîche, réconfortante après sa longue course. Mais l'idiot est un peu idiot quand même. Il a oublié qu'on ne boit pas où les pierres boivent. L'eau transforme les hommes en bêtes. Surtout quand le calendrier annonce Noël. Déjà, il est à quatre pattes et ne puise plus l'eau dans sa main. Il lappe.